Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 7 septembre 2016 de Méloman. Nouvelle formule, on le rappelle, de 20h à 22h. D'ailleurs, vous étiez très nombreux la semaine passée, toujours très plaisant de partager ça avec le plus de monde possible. Je sais pas si c'est parce que c'est une heure plus de bonheur, mais on va le prendre. Et justement, si on est un petit peu plus de bonheur, c'est parce que j'effectue un retour à l'école. D'ailleurs, on remercie toujours Nico et Claude de m'avoir arrangé ça. Mais en plus, ça nous amène à notre sujet de ce soir. En ce 7 septembre, vous le savez, c'est la rentrée scolaire. Il y a peut-être même des parents qui, en ce moment même, s'arrachent les cheveux sur la tête. C'est pas toujours simple, la rentrée. Mais nous, on va oublier tout ça. On va célébrer, comme toujours, en musique, le thème de la rentrée. Donc, tout simplement, toutes des chansons qui parlent de près ou de loin d'école, évidemment. C'est ce qui n'est pas nécessairement facile à trouver, finalement, mais ça vaut la peine. On va avoir beaucoup de plaisir. Un petit début avec des classiques plus rétro, puis on voyage comme ça à travers les décennies, comme d'habitude. Donc, trêve de discussion, c'est le temps de la rentrée Méloman au 99.1 CFNJ. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Pépin le bref nous donne beaucoup d'ennuis, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 fois 8, leçon de français, de mathématiques, que de travail, travail, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé, 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8, leçon de français, leçon de français, de mathématiques, de mathématiques, que de travail, travail, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law, it was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. To come and take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. CFNG. Like taking candy from a baby. not about love. Basically, it's as easy as pie. The hard part is living without love. Without your love, baby, I would die. It's easy, like taking candy from a baby. Et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1 Et oui, c'est la rentrée mélomane ce soir. Pourquoi pas? Après tout, c'est cette semaine que ça se passe pas mal pour beaucoup de gens. Et pour ceux que ça touche pas dans l'immédiat, ben ça va juste vous rendre nostalgique de vos propres années d'école, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, toutes des chansons qui touchent de près ou de loin au monde scolaire, dont ABC, qu'on vient d'entendre, des Jackson 5 en 1970 pile, qui est la chanson, soit dit en passant, qui a déclassé du numéro 1, imaginez-vous, Let It Be, des Beatles, du top 100 du Billboard. Ça n'en prend une, que voulez-vous. Et ABC, qui était précédé de 1, 2, 3. On est comique comme ça, mélomane. L'excellente 1, 2, 3 de Len Barry, succès de 1965, qui suivait ici deux ans plus tôt, en 63, les Beach Boys avec Be True to Your School, qui rappelle un temps où il fallait être fidèle à son école comme à sa blonde. Une chose qu'on voit peut-être un peu moins de nos jours, à moins peut-être dans certaines grandes universités. Mais donc, Be True to Your School, des Beach Boys qui suivaient ce cher Paul Simon en 1972 avec Me and Julio Down by the Schoolyard, qui nous vient de son tout premier album solo après la dissolution de Simon & Garfunkel, qui est en fait son deuxième album solo parce que, et ça, il y a moins de gens qui le savent, Paul Simon avait déjà un album solo à son actif avant Simon & Garfunkel. En fait, après leur tout premier album, là, mais disons avant les gros succès de Simon & Garfunkel, un album qui s'appelait The Paul Simon Songbook 1965. Et tout ça amorcé par la plus appropriée des chansons qu'on aurait pu trouver pour notre thème de la rentrée, nul autre que ce sacré Charlemagne de France Gall en 64. Charlemagne de la dynastie des Carolingiens, de qui on dit effectivement qu'il aurait inventé l'école à l'époque du haut Moyen-Âge, rien de moins. Mais depuis, comment ça se passe une journée d'école? On va laisser Chuck Berry nous l'expliquer au 99.1 CFNJ. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and cold. Rock, rock, rock and roll. The feeling is there, body and soul. Oh, mon histoire commence lorsque j'étais très jeune, lorsque j'allais à l'école. Les filles étaient jolies, j'avais beaucoup d'amis, mais quelqu'un possédait mon cœur. Ah, je l'avoue, oui, j'étais fou, même jaloux de la maîtresse, aux yeux si doux. Ah, Judith était son nom, ses cheveux étaient blonds, elle ressemblait. était bon et moi petit garçon, je me disais comme c'est étrange. Ah, je me l'avoue, oui j'en suis fou de la maîtresse aux yeux si doux. Son bureau et lui disait: vous êtes toute ma vie, prenez-moi pour mari. Impatient, j'attendais le oui. Mais elle m'a rionné, m'a déclaré: mon enfant, tu perds ton temps. Oh. History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I go home with you? Can I go home with you? Tell your mother and your father I once was a schoolboy too. Sometime I don't know what. Sometime I don't know what a woman what in this world to, a woman what in this world to do. I don't wanna hurt your feeling or either get mad with you. Thank you. buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over shitty land. I'm gonna fly all over shitty town. If I don't find my baby, ain't gonna let my airplane down. Now who's that coming yonder? Now who's that coming yonder? She all dressed up and pretty. She all dressed up and pretty. Yeah. If she don't be my baby, I'd soon to see her. Thank you. coming along. Nul autre que Supertramp en 74 avec la toute indiquée School en cette rentrée mélomane, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, et ce partout dans la Naudière et plus loin encore si vous écoutez depuis la plateforme du CFNJ.net, bien sûr. Donc School, tout simplement une collaboration de Rick Davies et Roger Hodgson, les deux têtes pensantes de Supertramp. Une chanson qui nous vient de leur chef-d'œuvre Crime of the Century, qui a beaucoup marché au Québec, entre autres. Mais juste avant ça, complètement autre chose avec un classique du Chicago Blues, enregistré la première fois par l'harmoniciste Sonny Boy Williamson, soit Good Morning Little Schoolgirl. Mais c'est la version acoustique de Muddy Waters qu'on a entendue ici en 64, accompagnée par nul autre que Willie Dixon à la contrebasse et un jeune Buddy Guy à la guitare qui va plus tard faire sa marque indélébile dans le monde du blues aussi. On a aussi entendu le très classe Sam Cooke avec son classique Wonderful World, chanson dans laquelle il nous énumère à peu près toutes les matières scolaires possibles. On n'oublie pas que c'est la rentrée mélomane. Et sinon, on est resté dans le vieux rock avec Eddie Mitchell, chanteur du tout premier groupe de rock français, les Chaussettes Noires, avec son histoire louche de kick sur sa maîtresse d'école en 1963. Qui suivait en 57 ce cher Chuck Berry, roi de la guitare rock'n'roll, avec tout simplement School Day. Mais vous allez me dire, méloman, qu'est-ce qui se passe après l'école? Eh bien, pourquoi pas un peu de Marc Drouin pour nous raconter ça au 99.1 CFNJ. Un tour de magie pour un concours d'amateurs. Love a boy means that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red high school rocking. Now, honey, get your bopping shoes, put a jukebox and blow the fuse. Well, everybody's hopping, everybody's bopping, bopping up a high school hop. Yeah, bopping up a high school hop, shaking up a high school hop, moving up a high school hop, rolling up a high school hop. Well, everybody's hopping, everybody's bopping, bopping up a high school hop. Oh, come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Let's get with it, sugar, let's shake it up tonight. You got my heart beating rhythm, my feet are moving smooth and light. Yeah, bopping up a high school hop, shaking up a high school hop, rolling up a high school hop, moving up a high school hop. Everybody's bopping, bopping at the high school hop. Hey, yeah. Well, come on, little baby, let me tell you a piece of good news. Yeah, you gotta come on down, I gotta rock away all that blues. Yeah, I'm gonna shake it tonight, honey. Come on now, we're gonna move at the high school hop. We're gonna shake at the high school hop. We're gonna roll at the high school hop. We're gonna bop at the high school hop. Well, everybody's hopping, everybody's bopping. We gotta have a little guitar now. Everybody's hopping, everybody's bopping, hopping up a high school hop. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Wait a second, man. What do you think a teacher's gonna look like this year? Sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up, non-delinquent, on the block. Your future so unclear now, what's left of your career now? Can't even get a trade in on your smile. Beauty school dropout, no graduation day for you. Beauty school dropout, missed your midterms and flunked shampoo. Well, at least you could have taken time to wash and clean your clothes up after spending all that dough to have the doctor fix your nose up. Baby, get moving. Why keep your feeble hopes alive. What are you proving? What are you proving? You've got the dream, but not the drive. If you go for your diploma, you could join a steno crew. Turn in your T's and comb and go back to high school. Beauty school dropout, hanging around the corner store. Beauty school dropout, it's about time you knew the score. Well, they couldn't teach you anything. You think you're such a looker, but no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. Don't sweat it. You're not cut out to hold a job. Better forget it. Forget it. Who wants their hair done by a slob? Now your bangs are curled, your lashes twirled, but still the world is cruel. Wipe off that angel face and go back to high school. Baby, don't blow it. Don't put my good advice to shame. Baby, you know it. Even dear rabbits say the same. Now I've called the shot, get off the pot. I've really gotta fly. Gotta be going to that malt shop in the CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. He said he went for a job and this the man said, without an education, you might as well be dead. Now don't get me wrong, he said it's not who you are, but people come to me from a near and a far. But I do just the work and I follow the rules. I didn't have an education, so I had to go back to school. My friend told all his buddies that he loved so well, and of their personal trouble, I will not tell. Now those guys didn't seem good, and they didn't seem bad. They didn't seem so happy, and I know they weren't sad. But the point is it, that they follow the rules. They got an education, and they all finished school. Now underneath his tears, I could see the true fact. When he dropped out of school, he never, never went back. They got to listen now, now. Without an education, might as well be dead. Look here! So one day he got tired of his little spending change. So he looked up his friends to check their pay range. When he got there, the crib, he found that he was a drag. Cause man, they were clean and his clothes were like rags. One was a businessman with a plenty of dough. He had his thing so set up, he knew he couldn't blow. The other had his job so uptight. He had his whole family and his kids all out of sight. Tell me one more time now. What he said, without an education, might as well. Got to get a little learning. What he said, without an education, might as well be dead. Look at him. What made him so hurt that these were his friends and he was a drag? They looked at him and he was in the same old bag. For his friends, they worked real hard when the work that went through. Now he realized he should have done the same thing too. Tell me one more time now. What do you say? Without an education, you got to get some money now. What do you say? Without an education, for the last time I'm gonna say, they kept on pushing when the going was tough. And now they know that things don't seem so rough. So kids, stay in school, don't be no drag. Take a fool's advice and stay out of that bag. Tell me one more time. Without an education, you got to get some money now. Without an education, don't be a dropout, stay in school now, listen to me. Sud de la Naudière en nuagement pour les prochaines heures, un minimum de 20. Jeudi, nuageux, averse qui débute en mi-journée, maximum 27. Et ensoleillé, vendredi, maximum 27. Et dans le nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, averse et risque d'orage pour les prochaines heures, un minimum de 18. Pluie jeudi, maximum 23. Et alternance de soleil et de nuages, vendredi, maximum 24. CFNJ 99A. Et c'est nul autre que James Brown qu'on vient d'entendre nous exhorter de ne pas lâcher l'école avec « Don't be a dropout » de 1966. Tout ça à la rentrée mélomane du 99.1 CFNJ, bien sûr, où on tourne évidemment autour des thèmes scolaires ce soir. Et parlant de « dropout » ou de « décrocheur », on a justement entendu juste avant un classique de la comédie musicale « Grease », « Beauty School Dropout », chanté pop. Pour la version cinématographique de 1978 par Frankie Avalon, une idole de jeunesse des années 50, que célébrait justement Grease et qu'on connaît aussi pour des hits comme Venus, par exemple, qu'on avait entendu dans notre mélomane rétro il n'y a pas si longtemps de ça. Donc, Beauty School Dropout qui nous raconte l'histoire d'une fille qui a lâché son DEP en esthétique finalement. Et sinon, encore une histoire de kick sur son professeur avec Hot for Teacher de Van Halen en 84 qui précédait encore une fois du côté rock and roll des choses. Jerry Lee Lewis en 1958 avec High School Confidential qui suivait elle-même Rough Trade en 1980 avec, je vous le donne en mille, encore une fois le même titre, High School Confidential, mais un petit peu plus osé, surtout si on considère que c'est une des premières chansons au thème ouvertement lesbien, si on peut dire ça comme ça, chose qui n'était pas aussi acceptée en 1980 qu'aujourd'hui. Il faut quand même se remettre en contexte. Mais ça n'a pas empêché Jerry Lee Lewis, lui, de marier sa cousine de 13 ans dans les années 50. Bref, deux poids, deux mesures. Et tout ça amorcé par Monsieur Vita Vinaigrette en personne avec son hit « Après l'école » de 1984, à côté duquel on ne pouvait pas passer. Et là, la prochaine, écoutez, je ne suis pas un fan en particulier du groupe, mais quand même, des fois, il faut se remettre en contexte pour bien apprécier, comme on disait. Je dirais même écouter avec des oreilles nouvelles, comme si on n'avait jamais entendu la chanson. Des parties de guitare brillantes, un groove rock incroyable et des paroles qui nous racontent l'histoire d'école d'un jeune homme et d'une cheerleader, le tout chanté comme si le rap existait déjà en 74. On écoute Aerosmith, 99.1 CFNJ. Sister and a cousin only started with a little kiss like this.

You behind the great shed! Stand still, laddie! Subject of schoolgirl fantasy. She wants it so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1 Oh, et c'était tout un bloc épique, ça, mes amis, toujours en pleine rentrée Méloman. Donc, toutes des chansons reliées de près ou de loin au monde de l'école qui recommencent cette semaine à faire partie de nos vies. Qu'on le veuille ou non, et les Police qu'on vient d'entendre avec la batterie légendaire de Stewart Copeland qui a introduit, il faut le dire, beaucoup de non-jamaïcains au rudiment du reggae parce que oui, il y a de très fortes influences jamaïcaines dans ce qu'on vient d'entendre. Don't Stand So Close to Me de 1980 pile. Chanson qui traitait encore une fois du très populaire sujet ce soir du béguin professeur-élève. Je pensais pas que c'était si répandu, mais si on se fie aux nombreuses chansons sur le sujet ce soir, semblerait que oui. Et sinon, juste avant ça, suite maîtresse, justement, de la soirée à côté de laquelle on ne pouvait pas passer si notre sujet c'est l'école, de l'album double légendaire The Wall de 79, Pink Floyd avec un beau trio, Another Brick in the Wall Part 1, suivi de The Happiest Days of Our Lives et de la plus connue, Another Brick in the Wall Part 2, avec son célèbre refrain We don't need no education. D'ailleurs, si vous avez une chance, allez voir Richard Petit, le frère de l'autre, avec son groupe The Wall Theater Experience. Ça vaut vraiment la peine. Et sinon, une première partie de bloc tout aussi éclatée avec l'école du rock and roll des Ramones, Rock and Roll High School, tiré de l'album End of the Century, produit par Phil Spector en 1980. Phil Spector, de qui on avait déjà parlé à l'émission. Mais la chanson qui va aussi se retrouver dans le film du même nom, donc Rock'n'Roll High School, le tout précédé de façon quand même assez inattendue de Jean Gabin avec le classique « Maintenant je sais » de 1974, qui d'ailleurs représentait un retour sur disque pour M. Gabin après 38 ans d'absence. Imaginez-vous, il n'y avait pas en disqué depuis 1936 quand même. Et toujours en 1974, Aerosmith avec le classique « Walk This Way » qui va plus tard être reprise en duo avec Run DMC, bien sûr, et à raison parce que le texte était déjà pas mal à saveur rap en 74. Mais nous, il nous reste encore de la musique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent de la famille Staunton, mais croyez-moi, vous allez vous en rappeler après ça. On écoute « J'aime pas l'école » 99 ans, CFNJ.

Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. There I was in uniform, looking at the art teacher. I was just a girl there. Never have I loved since then. He was not that much older than I was. He had taken a class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was. Never could I tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. Oh, I wish I could have told him. I looked at the Rubens and Rembrandts. I liked the John Singer Sargents. He told me he liked Turner. Never have I since then. No, never have I turned to any other man. Parents trouvent que j'ai pas de bon sens. J'essaye de pas t'es ma coche. Je taperai le monde entier dindin. Mais je suis peureuse pis maladroite. Finalement, je l'ai revue encore. Même si cette histoire ne me ressemble pas, elle avait déjà fait son temps. Les feux de Bengale durent pas longtemps. J'ai plus d'amour, pis plus de maison. Je check les apparts de la rue Masson. J'ai mis ma vie dans un sac d'école, mais j'ai pas appris ma leçon. Je sais que tu penses que je suis folle, il m'aimera jamais autant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis faite comme ça. T'avais raison, il m'a fait pleurer. Je lui ai dit que je partais prendre l'air en Gaspésie ou aux États, pour être loin de lui puis loin de toi. Le prochain qui va me toucher va être le plus beau de la terre. Mais fais-toi-en pas avec ça. Je pogne pas pantoute de ces temps-là. J'ai plus d'amour pis plus de maison. Je check les apparts de la rue Masson. J'ai mis ma vie dans un sac d'école, mais j'ai pas appris ma leçon. Je le sais que tu penses que je suis folle. Personne veut m'aimer autant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis faite comme ça. 99.1 et 88.9 CFNJ. Oh baby, I may be a fool, wasting my time by going to school. The way you got me loving you so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. Oh, baby, you got me so blind. I'm walking around in circles about to lose my mind. The way you got me loving you so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. Fist to kiss of your lips or the touch of your hand, whatever you do is really grand. Oh baby, what can I do? Walking round in circles in love with you. The way you got me loving me so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. Anymore. c'est ce qui déjà met pas mal fin à notre rentrée mélomane. J'espère que vous avez trouvé ça sympathique et surtout vous avez fait quelques découvertes à travers tout ça. C'est toujours le but. C'est peut-être Otis Rush que vous avez découvert avec Homework de 1962. Otis Rush qui est une grande légende du Chicago Blues. D'ailleurs, je vous invite à écouter Blues Moi, la nouvelle émission Blues de Madame Boursier, qui, elle, n'en est pas à ses premières armes en matière de musique et d'émissions de radio. Donc, juste après Mélomane à 22h. Mais juste avant, je vais quand même vous dire ce qu'on a entendu dans notre dernier bloc quand même. Donc, Otis Rush, précédé des Sœurs Boulay, qui ont toujours une chanson cachée quelque part pour nous à chaque spécial qu'on fait avec Sac d'école de 2013, qui suivait un petit chef-d'œuvre de Rufus Wainwright en 2004 avec The Art Teacher, encore une fois sur le très populaire thème du béguin professeur-élève. Une petite leçon de latin avec Brel, qui lui préférait sa cousine Rosa en 62. Décidément, les choses s'arrangent pas, il est temps que l'émission finisse. On a aussi entendu une légende de la basse que j'ai eu la chance de voir l'été passé, soit le grand Stanley Clarke avec School Days de 76. Un peu plus dans le jazz rock ou le rock jazz, c'est selon. C'est pour ça qu'on a appelé ça du fusion. Et tout ça amorcé par l'inimitable Beverly Staunton, qui aujourd'hui a une carrière quand même enviable dans le monde de la musique. Il a chanté pour plusieurs grands noms. Mais ici, c'est en 86 qu'on l'a entendu au sein de sa famille, la famille Staunton, dont certains se rappellent sûrement avec « J'aime pas l'école ». Et donc, c'était ça. C'était la rentrée mélomane. On se donne rendez-vous pour une autre émission complètement différente mercredi prochain dès 20h. N'oubliez pas, 20h, nouvelle plage horaire. Donc, en vous souhaitant une belle soirée avec Ghislaine Boursier, je vous laisse avec un dernier petit bloc parce que maintenant, l'école est finie pour la journée. Toujours au 99 ans, CFNG. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant un crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau. Ça fait un bout que je suis lancé. C'est pas ce que j'avais prédit. C'est pas ce que j'avais pensé, mais je suis resté debout. J'ai jamais perdu pied. Je suis pas de ceux qui se défilent à la première bordée. Tous nos rêves rapaillés me donnent raison de me lever. Puis je suis resté libre. J'ai jamais déchanté. J'ai jamais perdu le fil qui me rattache à toi. Prends-moi, éloigne-moi de la mort. Avec toi à côté.